17-14, observation. Identification et description. Tu connais ce monsieur là-bas? C'est un chirurgien. Il est sympathique. Il est grand, il est blond. Il est chirurgien. Il est fils unique. Il est célibataire. Il est comte.